À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, le rendez-vous des jeunes et étudiants de la ville de Pyongyang avec un vétéran de guerre a eu lieu le 24 courant au palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, les permanents de l'Union, les jeunes et étudiants. Chun Gu-kang, héroïne du travail et conférencière au musée de la guerre de libération de la patrie, a dit que pendant la guerre acharnée, les médecins militaires et infirmières ont manifesté l'esprit de sacrifice et de dévouement sans pareil en donnant sans hésitation leur sang et chair pour leurs compagnons d'armes, suivant le noble dessein du président Kim Il-sung qui a prodigué l'amour sans borne pour les militaires de l'armée populaire de Corée. En soulignant que le dirigeant suprême Kim Jong-un fait briller davantage les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il pour la victoire dans la guerre et la direction de Sun Gun, elle a prié les jeunes et étudiants à manifester sans réserve leur intelligence et courage dans la défense de la patrie et l'édification d'une puissance socialiste. Il y a eu les interventions.